Alors, je vais dans cette pause, enfin, dans ce moment post-déjeuner, essayer de vous garder réveillé et commencer par vous montrer des photos des femmes indiennes, anglaises, que je vais analyser ensuite. Voilà. Donc, ces trois femmes anglaises sont de gauche, de ma gauche à droite, Annie Besant, qui est une figure très connue des Indiens, car elle a joué un rôle très important dans le mouvement nationaliste. Elle avait déjà connu une certaine célébrité en Grande-Bretagne pour son militantisme radical en faveur des droits des travailleuses anglaises et du planning familial, un travail qui a fait scandale. Et avant qu'elle arrivât en Inde en 1893, et donc elle adhère au mouvement théosophiste fondé par la Russe Hélène Blavatsky, qui s'appuyait sur les principes hindous de karma et de réincarnation. Et puis, en arrivant en Inde, elle s'engage très fortement dans les débats, dans la lutte politique pour l'acceptation de l'Inde comme un dominion au sein de l'Empire britannique. Donc, c'est des biographies très, très brèves. Hein. La deuxième photo, à droite, donc, c'est Margaret Noble, aussi irlandaise d'origine. Elle arrive en Inde à Calcutta en 1898, inspirée par une rencontre avec Vivekananda, qui est un philosophe hindou et nationaliste, et dont elle veut être la disciple. Elle commence à écrire, à produire des articles, à intervenir dans des conférences publiques. Et tout cela légitime ses interventions sur l'hindouisme en Inde aussi bien qu'en Europe, en Angleterre. Mais ses inclinations vers une voie spirituelle s'effacent après la mort de Vivekananda en 1902. Et elle se rapproche à ce moment au milieu nationaliste, plus militant, et se consacre au travail d'éveiller un esprit national, un sentiment patriotique chez les Indiens. Et elle est connue comme Sister Nivedita. En Inde, elle témoigne avec ce nom une nouvelle identité. Enfin, la troisième photo au milieu, c'est Margaret Slade, ou Mira Behn, comme elle a été connue en Inde, qui est fille d'un ancien amiral anglais. En Inde. Elle arrive dans l'ashram de Gandhi à Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, en 1920. Après l'avoir découvert, elle a eu une sorte de révélation grâce au petit livre de Romain Rolland sur Gandhi, qui, dirait-elle, dans sa biographie, était une véritable révolution. Il l'a projeté de sa passion pour Beethoven à une passion pour Gandhi. Et elle devient, en arrivant en Inde, secrétaire, disciple, porte-parole des idées de Gandhi en Angleterre, et elle militera pour mettre en œuvre des idées de Gandhi sur le développement rural. Elle est écartée de la scène politique indienne après la mort de Gandhi, et elle se retire en Autriche pour se concentrer à sa première passion, Beethoven. Donc, à part leur implication politique dans les mouvements pour la liberté et le fait que toutes les trois sont des figures qui appartiennent aussi à la culture postcoloniale officielle, ce qui frappe dans ces trois photos, en tout cas ce qui m'a frappé, ce sont des vêtements dont elles se sont revêtues. Et j'ai cherché à trouver une étiquette commode qui décrirait précisément ces vêtements. J'ai choisi de les appeler « Europeanized Saris ». Dans le cas de Annie Besant et de Margaret Slade, ils ressemblent en effet aux saris, même s'ils semblent s'écarter des normes pratiquées dans leur diversité sociale et régionale par les femmes indiennes. Mais un examen plus attentif a révélé rapidement les difficultés de cette identification. Donc, un premier constat, c'est que nous sommes tellement habitués à voir ces images, ces femmes, que nous ne nous posons plus de questions sur la nature des vêtements qu'elles portent. Pourtant, les historiens ont étudié les pratiques vestimentaires des femmes anglaises en Inde, mais ils les ont considérées comme des éléments de culture matérielle et économique qui constituent des symboles forts de l'autorité impériale. Ainsi, la garde-robe de Mary Curzon, épouse du vice-roi Lord Curzon au début du siècle, est devenu un observatoire à la fois de la construction d'identité de genre chez les colonisateurs et des stratégies de représentation publique du pouvoir britannique. Et il y a encore sa robe fameuse qu'elle a portée dans un débat dans un des musées à Londres. Les vêtements d'Annie Besant, Margaret Slade ou de Sister Nivedita n'entrent pas dans ce cadre. Et donc, ils obligent à reprendre cette étude hors des approches en termes de construction des légitimités impériales. La deuxième observation concerne les pratiques vestimentaires qui dominent à l'époque. Même si l'époque victorienne est passée, elle marque encore les modes féminines, surtout en Inde. Les femmes anglaises embarquent pour l'Inde et elles sont soumises à un véritable flot de littérature sur les vêtements à emporter, les règles et les codes d'habillement. Elles ont droit à, quand les familles venaient dans les P&O liners, elles avaient droit à 152 kilos de bagages. Et donc, ça laissait la place pour vraiment mettre un garde-robe qui durerait 2 à 3 ans. Et dès qu'elles mettent un pied sur le bateau, elles sont soumises à l'œil critique et sévère de leur propre père, ainsi que les hommes européens et indiens. Elles représentent l'Empire et symbolisent le pouvoir et l'autorité impériale. Le discours médical est encore plus conservateur et victorien. En bref, tout est prévu et établi depuis leur départ d'Angleterre, avec des garde-robes pour longtemps. Et puis, une fois en Inde, la vie sociale anglaise, les clubs, les derbars, les représentations officielles et les week-ends de loisirs nécessitent le maintien d'une certaine standard dans l'apparence pour éviter ridicule, pour être adéquate à son statut. Et sinon, on risquerait dérision, pire ostracisme de la communauté anglaise. Donc, échapper à ces cadres et transgresser les codes d'habillement exigés par les formes de sociabilité anglaise n'est donc pas facile. Il y a bien sûr toujours des cas de cross-dressing. Auteur de Tours in Upper India, femme d'un fonctionnaire de East India Company, voyageant ou vagabondant, dont les années 1820, Fanny Parks s'indianisa. Il y a eu aussi celles qu'on a récemment étiquetées les « wicked women », qui ont épousé, les femmes anglaises qui ont épousé des princes indiens et qui ont été obligées un peu de s'indianiser pour s'intégrer mieux dans les cours princiers. Mais qu'en est-il des femmes comme Besant, Nivedita ou Mira, qui ne sont pas des épouses classiques, qui prennent des positions anticoloniales et qui agissent comme des acteurs politiques dans des débats de la scène nationale, côtoyant les hommes indiens, intervenant dans des débats publics sensibles sur l'éducation des femmes, sur les débats Age of Consent, etc., ou la religion, au moment où les Indiens et le gouvernement débattent sur les questions de réforme sociale et du statut de la femme indienne. Il me semblait que leurs choix d'habillement sont plus qu'une manifestation de leurs préférences ou de leurs inclinations esthétiques. Donc, regardons ces exemples de plus près. Ces femmes ne nous livrent guère d'informations sur leurs préoccupations, leurs intentions ou leurs choix. Et en fait, j'aurais aimé trouver un journal ou une correspondance, disons, partageant leurs remarques ou leurs sensations, le degré de confort de leurs habits. Mais Annie Besant, qui est pourtant une figure politique qui a beaucoup écrit et tout le monde a beaucoup écrit sur elle, mais il n'y a pas d'informations sur ce sujet. Mais la succession de photographes que nous avons révèle toujours une évolution. Quand Besant arrive en Inde en 1895, donc on voit qu'elle est très classique et elle abandonne sa robe victorienne assez rapidement pour un vêtement qui n'est pas encore un sari, mais qu'elle couvre par un grand châle tel qu'utiliseront certains hommes indiens de l'époque. À droite, nous voyons Subhash Chandra Bose, figure importante politique du Bengale. Et vers 1905, déjà, sa transformation est complète. Le sari est simple, avec une bordure, mais sans ornementation ni décoration. Son drapé est ample, mais il est dépourvu de plis et ne donne aucun relief aux formes du corps, à la différence du drapé des femmes indiennes qui se sert à la taille, bref, qui est un vêtement qui embellit. Et je regrette ne pas avoir mis, mais c'était trop près de mon sujet. pour que je me sens à l'aise. Enfin, ce sari s'apparente à une tunique qui couvre tout le corps de haut en bas de façon uniforme. Et s'il n'y avait pas sa coiffure, des cheveux courts qui ne portent jamais des indiennes, mais qui en témoignent d'un souci esthétique, je pense, propre aux femmes européennes, constitue peut-être l'élément le plus féminin de son apparence. Elle pourrait ressembler aux nationalistes indiens qui, dans le sud et dans l'ouest, portent eux aussi des vêtements drapés de type dhoti. Et je vous signale en bas, assis, l'homme qui a un petit turban qui ressemble le plus près à ce qu'elle porte. Passons maintenant à notre seconde figure, qui est Margaret Noble, ou Sister Nivedita. Elle est l'intrus un peu dans cette catégorie de Europeanized saris, car elle porte non pas un sari, mais une longue robe, plus proche des moines que des femmes. Et sa proximité avec l'ordre fondé par Vivekananda est peut-être à l'origine de ce choix. Et je vous montre une photo de Vivekananda qui a élaboré ce costume quand il est parti aux États-Unis pour adresser la conférence des religions. Et à ce moment, il a vraiment mis en place un costume qui était très accueilli et frappé, remarqué par la presse américaine. Et je pense que Nivedita, dans cette relation très proche, était fortement inspirée par Vivekananda aussi. Donc, à son arrivée, c'est une femme victorienne portant une longue jupe et un chemisier qu'on voit ici. Ses vêtements se simplifient au fur et à mesure de son intégration, à la fois dans les cercles de femmes bengalies retirées de la société et dans les milieux publics des élites intellectuelles et politiques de Calcutta. Elle est, dès son arrivée, invitée à s'installer chez cette femme, Sharda Devi, qui était la femme de Ramakrishnan, lui-même gourou de Vivekananda, dans un quartier hindou très modeste, même pauvre, de Calcutta. Sa robe aux manches longues et larges, interrompue seulement par une corde tissée avec un collier autour de son cou, ressemble plutôt, je pense, au froc des moines. Elle acquiert alors le statut de Naistika Brahmacharini, célibataire, mais elle gardera la liberté d'une sœur laïque. Sa coiffure reste toujours féminine, ses cheveux courts comme Besant étant la seule concession à des considérations esthétiques. Était-ce pour faciliter son acceptation par les Bengalis et diminuer un peu son statut de sale étrangère, Firangi, dont le contact physique polluerait? Abhinindranath Tagore, fils du poète Tagore et peintre lui-même, décrit sa robe longue, blanche, en flanelle ou laine légère, et le chapelet fait de grains de rudraksh, ses cheveux bruns réunis en chignon. La robe était pratique, une variante de la robe européenne, sans accentuation de la taille, sans distorsion, avec des manches longues et larges. Enfin, troisième personne que j'examine est Margaret Slade, ou Miraben, sœur Mira. C'est la seule à nous avoir laissé des informations précises sur l'adoption du sari. Dans son autobiographie, elle rapporte qu'elle a brûlé ses robes parisiennes chic à Londres avant de quitter l'Angleterre pour rejoindre l'ashram de Gandhi. Elle veut adopter le sari pour mieux s'intégrer, mais ses premiers pas dans cette direction sont vraiment offusques Gandhi, qui désapprouve cet acte, mais elle continue, elle va raser sa crâne, s'inscrivant dans la tradition Jain et dans la politique nationaliste gandhienne de simplicité, de minimalisme. Elle garde les mêmes vêtements quand elle voyage en Europe, quand elle rencontre des ministres et des représentants du gouvernement anglais. Elle sera aussi soumise à beaucoup de caricatures, on l'appelle un cowboy. Dans les trois cas, il est clair que l'habillement qu'elles ont choisi n'est pas une simple imitation, une duplication des modes indiennes d'une région spécifique. Il est très personnel, plus simple que le style adopté par les femmes indiennes des élites, sans aucun pli, sans ces jeux qui permettent aux Indiens de se cacher ou de révéler des parties de leur corps pour s'embellir et séduire. L'indianisation est d'ailleurs modérée par les coiffures. Alors, comment analyser ces pratiques vestimentaires féminines? Bricolage, métissage, hybridation? À l'évidence, l'habillement de ces trois femmes est le produit d'une forme de bricolage qui met ensemble des éléments hétérogènes, empruntés aux Anglais, mais plus encore aux Indiens. S'il cherche à exprimer un changement de camp, il pourrait être interprété comme l'incapacité physique, corporelle des femmes socialisées dans certains vêtements à passer à d'autres pratiques corporelles indissociables des vêtements indiens. Il peut plus encore apparaître comme l'une de ces nombreuses opérations construites de métissage au moment où s'opèrent des rencontres entre plusieurs cultures, mais un métissage inversé dans lequel les cultures dominées semblent s'imposer à celles des dominants. La question a été posée en termes d'hybridation, notamment par les travaux de Homi Bhabha. Ce dernier en fait un processus très subtil qui ouvrirait un troisième espace d'énonciation qui est séparé des espaces de signification originaire et fonctionne comme un ambivalent site where cultural meaning and representation have no primordial unity or fixity. Dès lors, ces Europeanized saris ne peuvent plus être considérés comme des objets incomplets ou bâtards, des échecs qui témoigneraient de l'incapacité des femmes à changer leur culture. Cette hybridation devient alors une construction forte permettant d'imposer une position au sein de champs hautement conflictuels. Et en fait, l'émergence des mouvements nationalistes en Inde a conduit les militants nationalistes à prendre des positions très fortes sur la question d'habillement, et c'est un grand débat qui se déroule en Inde dans les années 1920. Et les hommes nationalistes commencent à se détacher de cette soumission à l'habit occidental, et nous notons que Gandhi, Tagore, Motilal Nehru, Rajagopalachari, qui sont tous des hommes très importants dans la scène politique, changent leurs vêtements, l'habit occidental, pour habiller les habits indiens qui ne sont pas toujours attachés à une région, mais qui veulent être nationales. Et donc, ce débat sur le costume, l'habit national, et pose l'opposition entre swadeshi, ce qui est propre au pays, contre videshi ou étranger. Donc, 2 minutes. L'habit devient ainsi, je constate, un outil, un moyen de communication politique. Gandhi a élaboré son propre habillement sur quelques années, aux mêmes époques. Et de la même façon, ces femmes n'adoptent pas un habit indien tel qu'il existe déjà, car cela aurait impliqué d'adopter un vêtement lié à une région et cela limiterait leur champ d'action. Elles n'auraient pas pu manifester leur adhésion à la nation indienne dans son ensemble. Le troisième point que je veux faire, c'est cette question de négocier affinité et différence. En élaborant ces habits, ces femmes marquent une double distance, l'une évidente envers les élites anglaises dont elles sont issues, l'autre plus subtile envers les élites indiennes. Celles-ci utilisent entre autres le sari comme un signe féminin de richesse et marquent leur séparation vis-à-vis des couches sociales inférieures. En ce sens, le Europeanized sari s'oppose à cela et introduit une exigence d'égalité sociale qui élargit la protestation anticoloniale vers un programme plus social avec des dimensions ouvertement féministes. Dernier point, ces saris s'adressent à un public féminin. Comme l'ont noté certaines analyses, les femmes bengalies commencent à se montrer dans l'espace public et adoptent des modes victoriennes dès la fin du 19e siècle. Chemisier avec un col montant, des manches longues, une jupe sur laquelle ensuite est drapé le sari. Ainsi, elles peuvent s'afficher aussi progressistes et modernes que le veulent les hommes indiens, père et mari qui les entourent, et satisfaire ainsi leurs exigences patriarcales. Les exemples de Besant Nivedita ou Margaret Slade introduisent au contraire des aspirations de liberté, d'individualité et de féminité. Le sari européanisé propose un style mieux adapté au rôle public et civique. Sa forme ample permet un mouvement plus facile et donne ainsi plus de liberté corporelle. Son usage fragilise un des consensus qui sont construits entre colonisateurs et nationalistes. Au lieu de son usage traditionnel d'identifiant sexué, le sari, dans une de ses formes hybrides que proposent Besant Nivedita ou Margaret Slade, peut maintenant devenir un identifiant politique. Merci.